Retrouve tout de suite Patrick Pénaud avec ses rendez-vous avec X. L'histoire de l'espionnage est parsemée de défections. Un jour, un homme quitte son camp, passe à l'ennemi et vend ce qu'il possède de plus précieux, son lot de secrets. Si la moisson est suffisamment bonne, le transfuge peut espérer disposer d'une rente à vie et jouir d'une existence paisible, quelquefois sous un visage nouveau transformé par la chirurgie esthétique. Plus étonnante est l'histoire, assez rare, des agents qui ont fait l'aller-retour, des hommes qui ont doublement trahi leur camp, puis celui de leur protecteur. Monsieur X m'a récemment raconté l'extraordinaire histoire d'Otto John, ce chef du contre-espionnage allemand, qui est passé avec armes et bagages à l'Est avant de revenir à l'Ouest un an plus tard. Mais, dans le cas de John, selon Monsieur X, il s'agissait d'une manipulation montée par un service rival. Dans le dossier qu'il a ouvert pour moi cette semaine, l'aller-retour est encore plus surprenant, plus rocambolesque et toujours inexpliqué. En 1985, Vitali Yurchenko est un personnage important du KGB. Responsable d'un de ses directoires consacrés au contre-espionnage, il est considéré à l'Ouest comme étant le numéro 5 de la centrale soviétique. Pendant 5 ans, de 1975 à 1980, il a été officier de sécurité de l'ambassade de l'URSS à Washington, c'est-à-dire qu'il a dirigé une partie du réseau d'espionnage soviétique infiltré en Amérique du Nord. À son retour à Moscou, c'est lui qui traite le cas Farewell, la fameuse taupe soviétique qui travaillait pour notre DST et qui finira devant un poteau d'exécution. Yurchenko est donc un maître espion. Mais en juillet 1985, une année tumultueuse où se multipliaient défections et découvertes de taupes à l'Est comme à l'Ouest, Yurchenko choisit la liberté, comme on disait autrefois. Pour les Américains, c'est pain béni. Pendant plusieurs semaines, Yurchenko est débriefé par les spécialistes de la CIA et il donne les noms de plusieurs agents qui ont travaillé pour le KGB. Les Américains n'ont donc aucune raison de douter de sa sincérité. Mais 4 mois à peine après son arrivée aux États-Unis, Yurchenko fait défection et se réfugie à l'ambassade soviétique à Washington. « J'ai été capturé et drogué par la CIA », déclare-t-il à la presse. Et il manifeste aussitôt son intention de rentrer chez lui, ce qu'il fait. Peu de temps après, on annonce qu'il a été fusillé. Moscou dément. Et effectivement, Vitali Yurchenko réapparaît, il a repris son travail d'espion et se porte comme un charme. Ses employeurs ne lui ont fait nullement grief de sa brève défection. Pour Monsieur X, il ne faut pas s'étonner outre mesure. Yurchenko a agi sur ordre. Son passage à l'Ouest était une mystification. Mais pour quelle raison ? Mon interlocuteur affirme connaître la vérité. Dans un instant, son explication. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avez-vous connu ce Yurchenko ? Non. Yurchenko travaillait essentiellement dans le domaine anglo-saxon. Nous connaissions donc son existence au sein de l'organigramme du KGB, mais c'est tout. Par contre, les gens de la CIA, eux, savaient parfaitement qui il était. Et le soupçonnaient depuis longtemps d'avoir été l'exécuteur d'un certain Chadrin. Qui était celui-là, hein ? Un agent double. Un agent du KGB qui travaillait aussi pour la CIA. En 1975, Chadrin a mystérieusement disparu à Vienne. Personne ne l'a jamais revu. En fait, il a été kidnappé, puis exécuté par une équipe dirigée par Yurchenko. D'accord. Alors, venons-en à la défection de ce dernier. Fin juillet 1985, Yurchenko se trouve à Rome. Que vient-il y faire? Il vient superviser le déplacement d'une poignée de savants soviétiques en Sicile. Des scientifiques qui doivent participer à un congrès international sur les armes nucléaires. Quand vous dites superviser, c'est surveiller. Hein? Bien sûr. Ouais. Il s'agit de contrôler leur rendez-vous et leur déplacement. Et aussi assurer leur sécurité et naturellement éviter qu'ils passent à l'ouest. Ce qui ne manque pas de sel quand on connaît la suite de l'histoire. Ouais, c'est-à-dire la défection de Yurchenko lui-même. Ouais. Ouais. Et comment? Alors comment ça se passe? Début août, Yurchenko décide d'aller visiter les musées du Vatican. Il part de l'ambassade soviétique, monte dans un taxi et disparaît dans la nature. 24 heures plus tard, Yurchenko, n'ayant toujours pas reparu, on commence à s'affoler à l'ambassade. Les soviétiques préviennent la police? Exactement. Les Italiens, très embarrassés, commencent à faire des recherches, tandis que l'affaire prend une dimension internationale. À Moscou, le ministère des Affaires étrangères exige des résultats. Déjà, on accuse la CIA d'avoir enlevé Yurchenko. Et en réalité, alors, qu'en est-il? Yurchenko n'est jamais allé au Vatican. 2 heures, à peine après son départ de l'ambassade soviétique, il a trouvé refuge chez les Américains. À l'ambassade américaine? Oui, où il demande l'asile politique. Et très rapidement, la CIA est alertée. Yurchenko est un très gros poisson. On décide aussitôt de le transférer discrètement aux États-Unis. Et ce n'est que 2 mois plus tard qu'on apprendra officiellement la défection de ce haut personnage du KGB. De source américaine, donc. Tout à fait. Ouais. Et aux États-Unis, où se trouve exactement Yurchenko? Dans une villa située en pleine nature, pas très loin de l'anglais où se trouve le siège de la CIA. Et là, j'imagine qu'il doit être interrogé sans relâche. Oui, mais prudemment. Les Américains lui font d'abord passer un test au détecteur de mensonges. Parce qu'il se méfie? Yurchenko pourrait être un faux transfuge, un cheval de Troie, comme on dit dans le jargon du contre-espionnage. C'est-à-dire un agent qui fait semblant de faire défection pour mieux intoxiquer ceux chez lesquels il a trouvé refuge. C'est ça, mais Yurchenko passe avec succès le test du détecteur de mensonges. Un appareil très sophistiqué, mis au point par les spécialistes de la CIA, est jugé infaillible. Donc les gens de la CIA n'ont plus aucune raison de se méfier. Et Yurchenko parle? Oui, et tout de suite, il donne des renseignements d'importance. Par exemple? D'abord, il reconnaît sa responsabilité dans la disparition de ce Chadrine dont je vous ai parlé au début de cet entretien. Puis il élucide une autre histoire qui tracassait beaucoup les responsables de la CIA. Quelle affaire là, hein? En 1984, je crois, le chef de la station de Moscou de la CIA avait donné l'alerte. Ces hommes tombaient les uns après les autres. Donc identifiés, arrêtés par le KGB. Et expulsés. Oui, il y avait encore plus grave. Un important informateur de la CIA, un expert soviétique en aviation, Tolkachev, venait même d'être fusillé. Mais d'ailleurs, il n'y avait donc une taupe. Certainement. Mm. Mais jusque-là, les Américains n'avaient pu l'identifier. Et Yurchenko va les aider? Oui. Quand on lui demande s'il existe des agents infiltrés dans les services américains, il répond qu'il en connaît au moins un ancien officier de la CIA, dont le nom de code est Robert. Il ajoute quelques détails, et rapidement, Robert est identifié. Il s'agit d'un certain Edward Lee Howard. Vous avez dit un ancien officier de la CIA, c'est juste. Ça, ouais. Il n'appartient plus à la centrale. Mais il y a joué un rôle essentiel, je vous raconte. Howard, un petit jeune homme très malin et bourré de diplômes, est recruté au début des années 80 par la CIA. On décide de l'affecter à la division soviétique. L'objectif, c'est de l'envoyer à Moscou, où il sera chargé du traitement des agents. Un poste donc important et sensible. Oui, et Howard subit un entraînement rigoureux avant de partir remplir la mission qui lui a été désignée. Et à l'anglais, on lui ouvre les dossiers de tous les agents infiltrés en URSS. Normal, puisque c'est lui qui sera désormais en contact avec eux. Mais avant de partir, Howard subit un test au détecteur de mensonges. Lui aussi. Les Américains ont une confiance absolue dans cet appareil, et ils en usent et abusent. Et résultat, hein? Catastrophique. C'est-à-dire? Howard est non seulement malhonnête et menteur, mais il boit et prend à l'occasion de la drogue. Donc, pas question de l'envoyer à Moscou. Bien sûr. Mais enfin, est-ce que les spécialistes de la CIA n'auraient pas dû commencer par ce test avant de lui faire subir un entraînement et d'ouvrir leur dossier? Vous avez tout à fait raison, ils ont commis là une erreur impardonnable et qui va leur coûter très cher. Oui, expliquez. Recalé par la CIA, Howard est abandonné à lui-même. Et il possède des informations confidentielles, j'imagine qu'on va le surveiller. Eh bien non, en tout cas pas assez sérieusement. Et c'est la deuxième erreur capitale de la CIA, car Howard, assez facilement, échappe à ses anges gardiens et il prend contact avec les Russes. Pour se venger? C'est possible, mais il a dû aussi penser à l'aspect financier de la chose. Il va donc vendre les informations précieuses, oui, qu'il détient. Et pour échapper définitivement aux sbires de la CIA, il se réfugie en URSS. Mais il va causer des dégâts considérables en dénonçant les uns après les autres tous les agents américains du poste de Moscou. C'est-à-dire qu'il va annihiler des années de travail. Et c'est donc Yurchenko qui met la CIA sur la piste de Howard. Oui, mais il est trop tard, le mal a été fait. Et Howard ne peut même pas être jugé puisqu'il se trouve à l'Est. Finalement, Yurchenko satisfait la curiosité des gens de la CIA, mais dans cette affaire, il ne leur apporte pas grand-chose. Je crois que vous commencez à voir clair. Dénoncer des agents soviétiques qui ne sont plus opérationnels, c'est sans risque, en effet. Sans risque pour le KGB, je veux dire. Bob Woodward, l'un des deux journalistes qui est à l'origine de la découverte du scandale du Watergate, a publié un livre intitulé « CIA, guerre secrète ». Il évoque la trahison de Howard. Je le cite. « Ce fut seulement lorsque le transfuge Yurchenko alerta la CIA qu'on arriva à la conclusion évidente. Le FBI repéra Edward Lee Howard au Nouveau-Mexique et le plaça sous surveillance intensive, mais Howard, qui avait été entraîné à circuler dans Moscou sans se faire filer, éluda les efforts du FBI et s'échappa. D'après Woodward, Howard se trouvait donc encore aux États-Unis lorsque Yurchenko l'a dénoncé. Mais on peut penser que son arrestation aurait été sans conséquence pour les soviétiques, puisque Howard leur avait déjà livré toutes les informations qu'il possédait. Un autre document publié par le journal Le Matin laisse quand même penser que Yurchenko n'a pas dénoncé aux Américains que des espions déjà brûlés ou devenus inutiles. Je cite cet article. Les espions sont comme ces dominos accolés debout et dont les Japonais raffolent. Il suffit d'une chiquenaude et voilà l'alignement de centaines de dominos qui exécutent un long mouvement de chutes successives. Cette théorie des dominos culbuteurs peut se vérifier à la lumière tamisée des informations révélées par le Los Angeles Times sur le cas d'un diplomate soviétique, Vitali Yurchenko, disparu à Rome au milieu du mois d'août. Là où la théorie des dominos culbuteurs et culbutés se vérifie, c'est dans l'immense branle-bas de combat qui a saisi les services secrets, comme les services officiels ouest-allemands, au mois d'août. Les autorités italiennes avaient annoncé le 8 août la disparition de Vitali Yurchenko de l'ambassade d'URSS à Rome. Le 19 août, Hans Joachim Tiedge, patron du contre-espionnage ouest-allemand, passait, lui, à l'Est. Le Corriere della Sera annonçait alors que la fuite de Tiedge était directement liée à la disparition de Yurchenko. L'URSS rappelait plusieurs de ses espions opérant en Occident de peur qu'ils ne tombent à la suite des révélations de Yurchenko. Disparaissaient aussi plusieurs secrétaires de services officiels ouest-allemands. Les taupes changeaient de galeries souterraines. Les dominos étaient culbutés. En parallèle avec un autre réseau également éreinté, celui des espions soviétiques de Grande-Bretagne, expulsés après que le responsable des opérations du KGB en Grande-Bretagne, Oleg Gordievski, se fut livré aux Britanniques. Donc d'après vous, Yurchenko ne donne que des agents déjà découvert ou devenu inutile, c'est bien ça? Exactement. Mais les gens de la CIA ne sont pas des imbéciles, ils doivent bien s'en rendre compte, non? Oui et non. Ce qui signifie? Le débriefing d'un transfuge, c'est comme une pelote de laine qu'on déroule. Il faut être patient, il faut savoir être psychologue. Faire parler, vous le savez bien vous-même, c'est tout un art. Alors, dans les premières semaines, on laisse du mou dans le fil, et apparemment ça marche, puisque Yurchenko donne des informations précises et concordantes. Oui, mais des informations inutiles. Excusez-moi. Il était quand même essentiel pour les Américains de comprendre pourquoi leur station de Moscou avait subi un tel désastre. Ouais, d'accord, mais passé ces premières semaines... Yurchenko s'ennuie. Il vit isolé dans une grande maison au milieu des bois. Il veut voir du monde, parler le russe. Des caprices? Non, ça fait partie du plan. Alors le patron de la CIA en personne, Bill Casey, se déplace. Il vient dîner avec Yurchenko. Quel honneur, hein. C'est que Yurchenko n'est pas n'importe qui. C'est un des pontes du KGB quand même. Cazet lui promet que lorsqu'il en aura fini, il aura un salaire de ministre, une villa à lui, la gratuité des soins médicaux, une prime, bref, la belle vie. Mais ça ne suffit pas. Yurchenko exige de quitter sa cage dorée. C'est dangereux, ça, hein? Si Yurchenko était un transfuge ordinaire, oui. Mais lui sait bien qu'il ne risque rien. Ses amis du KGB ne vont pas le traquer. Attendez, une question avant d'aborder la suite. Yurchenko trompe les types de la CIA, hein, c'est clair. Mais vous m'avez bien dit qu'il avait subi le test du détecteur de mensonges. Oui, avec succès. Alors comment a-t-il fait, là? Les soviétiques avaient mis au point des techniques psychologiques et physiques très pointues pour tromper ce détecteur. Des techniques efficaces, puisque Yurchenko est passé au travers. Alors, continuons. Yurchenko veut sortir de sa cage dorée. Oui, et il veut aller dîner en ville. Où? À Washington. Un choix qui ne doit rien au hasard, vous allez voir pourquoi. J'imagine quand même qu'on ne va pas le laisser tout seul dans la nature. Hein. Évidemment, un agent de la CIA l'accompagne. Pour tout à la fois le protéger et le surveiller. Et ce dîner se passe de quelle façon? Notez d'abord, c'est très important, qu'on est le 2 novembre. Donc à peu près 4 mois, c'est ça, après la défection de Yurchenko à Rome. Oui, hein, et surtout 15 jours avant une rencontre importante à Genève entre Reagan et Gorbatchev. Mais il y a un lien entre Yurchenko et cette rencontre hein? Et naturellement, mais venons-en d'abord à ce dîner. Yurchenko a choisi un restaurant chic de Washington, le Pied de Cochon. En français dans le texte? Oui, et il paraît qu'on y mange très bien. Le soviétique partage donc son repas avec son ange gardien, mais soudain il se lève de table. Souriant, il regarde l'homme de la CIA. Si je me lève et que je sors, que faites-vous? Vous me tirez dessus? L'autre éberlué fait non. Yurchenko éclate de rire et il dit qu'il en a pour une vingtaine de minutes. Et il sort vraiment? Tout à fait. Et le type de la CIA le laisse faire? Oui. Ça semble quand même étonnant. Ça, je vous fais pas dire, car dehors, Yurchenko disparaît très vite. Quelques minutes plus tard, il pénètre le plus tranquillement du monde dans l'ambassade soviétique. S'il avait choisi le Pied de Cochon, c'était en raison de sa proximité avec l'ambassade. Pas mal joué, ouais. Mais le pire est à venir pour les Américains. Car dès le lendemain, Yurchenko donne une conférence de presse dans les locaux de l'ambassade et il explique à sa façon sa prétendue défection. Comment il explique, là? Il accuse ni plus ni moins la CIA de l'avoir enlevé à Rome. Ensuite, drogué, il aurait été transporté aux États-Unis. Là, dans une villa de la CIA, toujours drogué, on l'aurait interrogé et même torturé. Et Yurchenko d'ajouter qu'il ne sait pas ce qu'il a dit au cours de ses interrogatoires. Si vous voulez savoir si j'ai fait des révélations, il faut le demander à la CIA. Non, pas de culot. N'est-ce pas? En tout cas, c'est incontestablement un coup dur pour les autorités américaines. Parce que la CIA, quelques semaines après la défection de Yurchenko, avait rendu l'information publique et avait présenté l'affaire comme un succès de taille. Ouais, les Américains sont donc ridiculisés. Oui, et le président Reagan lui-même est affaibli. Il ne fait nul doute que dans la prochaine partie de bras de fer qui va l'opposer à Gorbatchev, il sera en difficulté. Donc c'était l'objectif poursuivi par cette opération? L'un des objectifs, oui. Ah, il y en a d'autres alors? Oui, un peu de patience, voulez-vous. Les Américains essaient tout de même de sauver la face. Mais comment peuvent-ils faire? Ils justifient la seconde défection par une histoire d'amour. Une histoire d'amour, tu as raconté. Yurchenko aurait été follement amoureux, c'est pour cette raison qu'il se serait jeté dans les bras des Américains à Rome. Amoureux de qui? De l'épouse d'un diplomate soviétique, Valentina. Il l'aurait rencontrée lorsqu'il était en poste à Washington à la fin des années 70. Et depuis son retour à Moscou, il se languissait d'elle. Mmh. Et où se trouvait-elle? En 1985, son diplomate de mari était en fonction au Canada. En passant aux États-Unis, Yurchenko se rapprochait d'elle. Et d'ailleurs, il aurait demandé à la CIA de l'aider à rejoindre sa bien-aimée. Ce qui s'est vraiment passé? Selon les Américains, oui. À deux reprises, escorté par des agents de la CIA, Yurchenko se serait rendu à Montréal. Mais la belle ne voulait plus de lui. Alors le soviétique éconduit aurait plongé dans une profonde dépression. Il aurait finalement choisi de retrouver la mère patrie. Oui, mais au risque... Si on croit cette version, c'est au risque d'être fusillé pour trahison. Oui. Ouais. Ouais. Donc ça ne me semble pas très crédible. En effet, mais je vous l'ai dit, les types de la CIA devaient absolument sauver la face. C'est pour cela qu'ils ont inventé ce roman à l'eau de rose. Un roman qui n'a guère abusé grand monde. Est-ce qu'il y avait quand même un soupçon de vérité dans cette histoire d'amour? Oh, il est très possible que Yurchenko, qui avait la réputation d'un homme à femme, ait eu une liaison avec Valentina. Mais aurait-il fait défection pour retrouver une femme qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans et dont il ne savait pas si elle l'aimait toujours? Non, ça me paraît grotesque, et encore plus grotesque que l'explication de sa deuxième défection. Donc pour vous, il n'y a aucun doute, hein? Non, l'aller-retour de Yurchenko était prévu dès le départ. Il faisait partie d'une opération préparée avec beaucoup de subtilité. Benoît Reski, dans Le Matin, analyse non sans cruauté les conséquences de l'affaire Yurchenko dans la perspective de la rencontre Reagan-Gorbatchev. Et comme M. X, il pense que les Américains ont été joués. Je le cite. Qu'est-ce que vous préférez dans le genre burlesque, hilarant et surréaliste? Les Marx Brothers, Elsa Pépine, ou y a-t-il un pilote dans l'avion? Pour l'affaire Yurchenko, qui éclabousse les États-Unis et avant tout la Maison-Blanche, vous n'avez que l'embarras du choix, à moins que vous ne préfériez un titre plus d'actualité, par exemple, comment Ronnie a été roulé par Vitali. Car c'est bien Ronald Reagan qui, dans cette tragédie montée de main de maître par un metteur en scène du nom de Mikhail Gorbatchev, apparaît comme la seule et lamentable victime. Voilà un homme dont certains exaltent avec un enthousiasme digne d'une meilleure cause les talents de grand communicateur qui fait flèche de tout bois pour dénoncer les violations des droits de l'homme en URSS, cet empire du mal. Voilà un homme qui multiplie les initiatives médiatiques, les proclamations et les interviews dans l'espoir de s'asseoir le 19 novembre à Genève en face d'un Gorbatchev qui l'aura mis dans la situation d'un perdant. Eh bien cet homme, se trouve aujourd'hui ridiculisé par un espion, Vitali Yurchenko, dont la défection avait fait triompher les Américains et qui maintenant annonce de l'ambassade d'URSS à Washington que la CIA l'a kidnappé, torturé et obligé à déclarer n'importe quoi. Quand Ronald Reagan sera le 19 décembre à Genève, il sait qu'il lui faudra accepter sans broncher les sourires entendus de Gorbatchev, qui des deux est assurément et de loin le meilleur joueur. La guerre entre les services secrets est aussi une guerre psychologique, vous ne l'ignorez pas. Oui, soyez plus précis. Hein. C'est important de marquer un point contre l'adversaire, mais c'est encore plus important de le lui faire savoir. Oui, afin de le déstabiliser. Naturellement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, à votre avis, dans l'affaire Yurchenko? Assurément, c'est une histoire assez sensationnelle, l'histoire de l'opération Ivy Bells. Ivy Bells, qu'est-ce que c'est que ça? Le nom de code de la dite opération. Qui consistait en quoi? Les Américains avaient imaginé un système très sophistiqué pour espionner les manœuvres soviétiques dans la mer d'Okhotsk. C'est-à-dire, ça, c'est à l'est de l'URSS, hein, je crois. Oui, au large de l'île Sakhaline, une région particulièrement fréquentée par les sous-marins nucléaires soviétiques, et où l'on procédait régulièrement à des essais de missiles balistiques. Une région militaire, donc, très sensible. Bien sûr, et depuis longtemps, les Américains voulaient en savoir plus sur ces essais. Mais comment? Les agents de la NSA, la plus importante agence de renseignement américaine, comme vous le savez, ont trouvé la solution. Piéger les câbles sous-marins utilisés par les Russes. Les piéger? Oui, en interceptant les informations transmises par ces câbles. Des informations qui, la plupart du temps, ne sont même pas codées, tant les Soviétiques ont confiance dans la vulnérabilité de leurs câbles. Et comment les Américains vont-ils procéder? Je vous explique. Un sous-marin repère d'abord le câble qui repose au fond de la mer. Puis des plongeurs fixent sur le câble une sorte de boîte, une cosse bourrée d'enregistreurs et le tour est joué. Toutes les communications passant dans le tuyau vont être électroniquement captées. Une sorte de suceur. Oui, et qui n'endommage pas le câble. Mais c'est bien beau de capter ces informations, mais encore faut-il les faire remonter à la surface. Vous avez raison. S'y a-t-il prévu deux fois par an de relever la cosse et de la remplacer par une autre? Deux fois par an, c'est pas beaucoup. Hein. Les informations captées ne sont pas très fraîches. C'est juste. Mais l'opération est risquée. La mer de Kost fourmille de sous-marins soviétiques et les manœuvres d'approche sont délicates. En tout cas, grâce à cette cosse, les spécialistes de la NSA peuvent recueillir des données très précises sur les tirs de missiles. Donc ça marche? Oui, jusqu'en 1981. Mais, et si pour une raison ou une autre, je sais pas moi, une panne, les Russes remontaient leurs câbles et découvraient qu'ils sont écoutés? Non, la cosse est fabriquée de telle façon qu'elle doit se détacher en cas de mouvement du câble. Ah, c'est très astucieux. Hein. Il s'agissait vraiment d'un exploit technologique. Hein. Et vous avez dit que ça a marché jusqu'en 1981. Pourquoi? Que s'est-il passé? Cette date, le secret a été percé? Oui, cette année-là, un satellite américain qui prend régulièrement des photos de la mer d'Okhotsk repère un regroupement de navires juste au-dessus de la zone où la cosse a été fixée sur le câble soviétique. Et ça signifiait que les Russes avaient découvert la cosse? Ils ne l'avaient peut-être pas encore découvert, mais ils savaient exactement où la chercher. Pour les hommes de la NSA, on ne pouvait plus y avoir de doute. Quelqu'un avait trahi. En somme, l'espionnage humain avait fait échouer l'espionnage électronique. Exactement. Mais les Américains ont-ils eu la preuve que leur cosse là, avait été réellement découverte? Oui. Un peu plus tard, ils ont envoyé un sous-marin sur le site et ils se sont aperçus que leur cosse avait disparu. Mmh. Donc ils ont dû chercher à découvrir qu'ils les avaient trahis. Hein? Bien sûr. Ils ont échoué. L'espion n'a pas été démasqué. Mmh. Et après cet échec, est-ce qu'ils ont renoncé à cette ingénieuse méthode? Non. Mais les électroniciens de la NSA ont proposé une amélioration appréciable du système. L'inconvénient principal de l'opération Ivy Bells, vous l'avez vous-même souligné, c'était le retard entre l'enregistrement des informations et leur recueil. La NSA a donc préconisé la pose simultanée de plusieurs cosses d'écoute sur des câbles sous-marins soviétiques posés au large de la côte nord de l'URSS. Mais ces cosses n'enregistreraient plus. Elles transmettraient directement leurs informations grâce à un câble sous-marin posé uniquement à cet effet. Un câble donc relié aux diverses causes. Oui, câble devait acheminer les informations recueillies jusqu'au Groenland. Au Groenland, il fallait donc passer sous la calotte glaciaire. Et il était prévu une longueur totale de 1200 miles. C'est un travail considérable. Hein? Et un prix encore plus considérable. Mais dans le domaine militaire, les chiffres, même les plus astronomiques, n'effraient guère. C'était l'ère Reagan, je vous le rappelle. Oui, rien n'était trop cher pour lutter contre l'URSS. Hein? Oui, mais malheureusement, il y avait Yurchenko. Ah, ça, on le retrouve. Oui, il était temps, non? Yurchenko, dès qu'il arrive aux États-Unis, livre le nom de quelques espions brûlés. Et l'air de rien, il dit aux officiers qui l'interrogent qu'il existe une taupe à la NSA. Immédiatement, les gens de la CIA pensent à l'échec de la première opération Ivy Bells. Et Yurchenko n'en dit pas plus? Si. Il affirme que ce type de la NSA l'a contacté au téléphone il y a 6 ans alors qu'il était lui-même en poste à l'ambassade soviétique à Washington. Et connaît-il son nom? Pas du tout. Ça me semble bizarre. En fait, Yurchenko joue au chat et à la souris avec ses interlocuteurs. Il sait très bien que toutes les communications téléphoniques de l'ambassade soviétique sont enregistrées par les Américains. Il leur suffit donc de fouiller parmi les bandes enregistrées il y a 6 ans. Et c'est ce que font les agents de la CIA. Est-ce qu'ils trouvent ? Et naturellement. Et la voix du type est identifiée par ses collègues de la NSA de la division soviétique. Alors, qui est-ce ? Un certain Pelton, Ronald Pelton. Un homme qui a démissionné depuis de la NSA. Et encore un qui n'est plus du deal russe. Hein. Comme Howard et tous les autres que Yurchenko a dénoncés, car il en a dénoncé pas mal. Hein. Ouais. Pelton est arrêté. Oui, mais on le retrouve sans peine et il passe aux aveux. Ce type qui avait occupé un poste plutôt subalterne à la NSA avait néanmoins accès à des informations très confidentielles. Il savait, par exemple, quels étaient les systèmes de communication soviétique qui étaient espionnés par la NSA. Et dont le câble sous-marin de la mer d'Okhotsk. Oui, et en outre, ce Pelton était doué d'une mémoire prodigieuse. Il enregistrait tout. Et en trahissant, il avait apporté aux Russes une moisson de renseignements. Alors que cherchait Yurchenko en mettant les Américains sur la piste de Pelton? Leur montrer, preuve à l'appui, que Moscou n'ignorait rien de leur projet d'espionnage électronique sous-marin. Et de bien d'autres, liés en particulier à la fameuse guerre des étoiles du président Reagan. Pour les agences américaines, CIA et NSA, il s'agissait d'une véritable catastrophe. Il leur fallait remettre en cause des tas de projets et même des systèmes existants. Mmh. D'après vous, Yurchenko n'est venu brièvement aux États-Unis que dans ce but, humilier les agences américaines. Et introduire chez elles une belle pagaille, oui. Le reste, et en particulier l'humiliation de Reagan devant Gorbatchev, ce n'était, si je puis dire, que la cerise sur le gâteau. Le 6 novembre 1985, Yurchenko rentre à Moscou accompagné d'un autre officier du KGB, Valéry Martinov. D'après Genofa Etienne et Claude Moniquet, auteurs d'une histoire de l'espionnage mondial, parue aux éditions du Félin, Yurchenko laisse derrière lui une CIA ridiculisée qui, à la veille du sommet américano-soviétique, tente d'analyser ses erreurs et de comprendre ce qui lui est arrivé. Peu de temps après le retour de Yurchenko en URSS, des rumeurs laisseront entendre qu'il aurait été exécuté. Selon une vieille tradition, sa famille aurait même reçu la facture des balles utilisées pour le tuer. La presse occidentale se délectera de l'histoire jusqu'à ce que le mort s'avère bien vivant et commence à donner des interviews. De temps à autre, dans les années suivantes, le KGB le ressortira du placard où il est censé végéter. Mais personne n'expliquera jamais le fin mot de son incroyable aller-retour. Toutefois, il est plus que probable que si Yurchenko avait été un véritable transfuge, il aurait connu le sort que le KGB a de tout temps réservé aux traîtres. Une conclusion qui correspond parfaitement à la thèse, pour le moins originale, de M. X. À samedi prochain sur France Inter. Merci à Patrick Pénaud.